problems en deux mots. Souvent à tétra, une. Souvent à tétra, souvent à tétra. Souvent un tétra, une vrai, un de nouveau. Te dire à quel point je l'ai à une, frérot, j'ai pas les mots. Sois ma reine, je serai ton cavaliero. J'ai fait que quelques millions d'années, j'ai mort à la zéro. Vous laisse être la moi, je suis la haine. Je détruis ton étoile, je suis la mienne. Palace mieux que Maine, chaîne, fleur est mieux que Fred. Même si t'es calibré, vaut mieux que je vienne. J'suis au fond, au moule. On moule la masse, on sent que le caramel. PGP branché, je te rappelle. Cogne, je suis sur des zones parallèles. Ils ne nous invitent plus, ils disent qu'on va gâcher la fête. Pourtant, c'est eux qui ont créé la bête. Quelques sociétés, quelques dettes. Elle croit que je vais la rappeler, qu'est-ce qu'elle est bête. C'est souvent un tétra, il en vrai un de nouveau. Te dire à quel point je l'ai à il, frérot, j'ai pas les mots. Sois ma reine, je serai ton cavaliero. J'ai fait que quelques millions d'années, j'ai mort à la zéro. Si tu ne viens pas quand c'est la haine, tu ne viendras pas au rythme. Ne te plains pas de comment ta vie sonne si tu ne viens pas au mix. Prêt pour la troisième guerre, prêt pour l'épidémie. Rafale de billets verts, non c'est plus d'ennemis. T'es pas tombé, love, t'as pas de goût. Chouin, va jamais le boss dans la fin du premier coup. T'as pas le bras long et tu fumeras au balcon, bon pas te rater. Potentiellement, j'peux toutes les ouah, j'ai pas trop dit, bro, t'as capté. T'as capté. C'est souvent un tétra, il en vrai un de nouveau. Te dire à quel point je l'ai à il, frérot, j'ai pas les mots. Sois ma reine, je serai ton cavaliero. J'ai fait que quelques millions d'années, j'ai mort à la zéro.